13, 10. Activation orale, prononciation, la semi-voyelle, y. Écoutez et répétez. Rien. Bien. Tiens. Viens. Chien. Premier. Dernier. Escalier. Chemisier. Courrier. Hier. Ciel. Violet. Mieux.